quand je considère la petite durée de ma vie, l'éternité qui la précède et la suivra, ce petit espace que je remplis, je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là. I wanna be kissed by you alone. Marilyn, dernière séance. Écrit et adapté par Michel Schneider. Sixième épisode. Un jour de mai 1962, en plein tournage du film « Something's Got to Give »,« Quelque chose doit craquer », dirigé par George Cukor, Marilyn arriva décomposée à sa séance chez Ralph Grinson. Il paraît que ça y est, que vous allez vraiment partir et me quitter. C'est Joanie qui vient de me l'apprendre. Je vous l'avais déjà dit. Oui, je n'y croyais pas. Maintenant, ça y est. Je vais prendre des vacances et faire un voyage avec ma femme. Elle doit d'abord aller en Suisse rendre visite à sa mère qui vient d'avoir un accident cardiaque. Et moi, je dois rencontrer au retour mon éditeur à New York pour discuter de mon livre sur la technique psychanalytique. J'ai droit à des vacances, non? Et puis je ne vous quitterai pas. Je dois faire une conférence sur le transfert. Oh, merde! Hier, j'ai fait un effort. J'étais au studio 20 minutes avant l'heure, à 6 heures du matin, pour un simple essai maquillage. J'ai travaillé jusqu'à 4 heures de l'après-midi, et puis je suis venue à ma séance. Mais aujourd'hui, quand j'ai su que Hildy allait partir, et vous aussi, vraiment partir, je me suis évanouie une demi-heure après être arrivée sur le plateau, et on a dû me ramener chez moi. Vous vous rendez pas compte? Je suis sortie du lit en morceaux. J'ai transporté mon corps jusqu'à la salle de bain comme celui d'une autre. Quelque chose doit craquer? Oui, moi. J'ai pensé à quelque chose. Si je vous donnais un objet qui m'appartient, comme ça, en gage, vous me le rendriez à mon retour. Ce serait une sorte de lien matériel, de talisman entre nous. Tenez, par exemple, une pièce de ce jeu d'échecs en verre. Le cavalier blanc. Qu'en dites-vous? Le soir, après avoir accompagné Marilyn sur le seuil de sa villa, Grinson s'assit à son bureau et transcrivit le contenu des phrases échangées durant la séance. Il commença aussitôt un article pour montrer comment, avec ce type de patiente, il avait dû agir et non pas seulement dire. Donner et non pas seulement attendre et recevoir. L'article, qui aborde la place et le rôle d'objet transitionnel dévolu au jeu d'échecs comme substitut à l'analyste, resta à l'état d'ébauche et ce n'est que 12 ans après la mort de sa patiente qu'il put enfin le reprendre et le terminer. Écrire pour oublier. Écrire pour effacer le fait qu'il avait perdu la dernière partie. Il hésitait encore. Comment parler d'elle sans dire son nom? En cas de publication, chacun la reconnaîtrait, même sous le titre neutre qu'il avait donné à son papier afin d'éviter le ton passionnel. Objet transitionnel et transfert. C'est le seul texte publié par Grinson où il mentionne, sans la nommer, sa patiente la plus célèbre. J'avais annoncé à une patiente jeune et émotionnellement immature que j'allais assister à un congrès international en Europe. Elle avait développé une relation de transfert extrêmement dépendante à mon égard. Nous avions travaillé intensivement les déterminants multiples de son agrippement et de sa dépendance, et nous n'avions fait que peu de progrès. Et puis, un jour, la situation changea radicalement lorsqu'elle m'annonça qu'elle avait trouvé quelque chose qui pourrait l'aider à traverser l'absence. Ce n'était pas un nouvel aperçu d'elle-même, ce n'était pas une nouvelle relation qu'elle avait nouée, c'était une pièce de jeu d'échecs. La jeune femme avait reçu en cadeau, il y a peu, un jeu d'échecs en ivoire sculpté. La veille de sa séance, elle avait regardé le jeu à travers la lumière scintillante d'une coupe de champagne. Soudain, elle fut frappée par la ressemblance du cavalier blanc avec moi. Immédiatement, cela lui donna une sensation de confort et même de triomphe. Selon elle, le cavalier blanc était son protecteur. Ainsi, celui que je lui donnais durant la séance lui appartiendrait. Elle pourrait l'emporter partout où elle irait. Il agirait sur elle, et moi je pourrais tranquillement faire mon voyage en Europe sans avoir à me faire du souci. Je dois avouer que, malgré mes inquiétudes, j'éprouvais comme un soulagement. La principale difficulté que devait affronter ma patiente durant mon absence était une manifestation publique d'une grande importance à laquelle elle devait participer sur scène. Et maintenant, elle était sûre de réussir parce qu'elle envisageait de cacher son cavalier blanc dans un mouchoir ou dans une écharpe et qu'il la protégerait de sa nervosité, de son angoisse, de sa malchance. Je fus soulagé et ravi d'apprendre, alors que j'étais en Europe, que la performance en question avait été un immense succès. Cependant, peu après, ma patiente m'adressa plusieurs coups de fil paniqués. Elle avait perdu le cavalier blanc et était hors d'elle-même, terrorisée, endeuillée, comme un enfant qui a perdu sa couverture rassurante. Un de mes collègues qui la suivait pendant cette période me dit par la suite que toutes ces interventions n'eurent aucun effet sur sa détresse. Sur le moment, il me suggéra même d'abréger mon voyage et de revenir. Je détestais l'idée d'interrompre mes vacances et n'étais pas sûr que mon retour serait utile. Étonnamment, ce fut pourtant le cas. Dès que je la retrouvais, je vis s'atténuer son anxiété et sa dépression. Il devint alors possible de travailler pendant plusieurs mois sur la façon dont elle m'avait utilisé comme une sorte de talisman, de porte-chance, plus que comme un analyste. Le talisman, le cavalier blanc du jeu d'échecs, lui avait servi de moyen magique pour détourner le mal et le malheur. Il l'avait protégé contre la perte de quelque chose de précieux. La semaine précédant le départ de Ralph Grinson, Marilyn est de nouveau en retard à toutes les séances. Quand je m'habille pour venir, je le fais le plus lentement possible. Ça me rend heureuse de me dire que je suis en retard. On m'attend. On me veut. On n'y tient plus de me voir. Je me rappelle les années où personne ne me voulait, ne me voyait, ne m'attendait. J'étais la petite, même pour ma mère. La petite, celle qui rendait service. Je ressens une satisfaction étrange à punir à présent ceux qui m'attendent. Mais ce n'est pas à eux que j'en veux. C'est aux personnes d'autrefois. Ce n'est pas Marilyn Monroe qui se fait attendre. C'est Norma Jean. Vous savez, j'ai longtemps cru qu'être aimé, ça voulait dire être désiré. Aujourd'hui, je pense qu'être aimé, c'est mettre l'autre à terre. À votre merci. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme dit le docteur Grinson. De retour de sa dernière séance, Marilyn presse au creux de sa main la figure d'échec donnée par Grinson. Elle se sert à boire du champagne et regarde, à travers la coupe, le cavalier déformé par une anamorphose dorée. Elle pleure. Pourquoi ce voile de verre, toujours, entre moi et ma mère, entre moi et mon image? Thank you. Il m'a fait un cadeau. Un cavalier blanc de jeu d'échecs. Aux échecs, les pièces peuvent toutes tuer, prendre. La plus forte est la reine. Le roi est mort dès le début. Je ne sais pour qui je joue. J'avance mes pièces dans le noir. Je n'aime pas écrire. Il faudrait que je trouve autre chose. Peut-être que j'aime trop lire. Les livres, parfois, ce que j'aime vraiment. La première fois que je les lis, j'ai l'impression que c'est comme si je les relisais. Comme si je les avais déjà lus. Un peu comme certains êtres que vous rencontrez avec la certitude qu'en fait, vous les retrouvez. Aujourd'hui, je suis tombée sur cette phrase de Kafka. Le capitalisme n'est pas seulement un état de la société, c'est un état de l'âme. Les livres, je ne les termine pas. Je n'aime pas les dernières pages, les derniers mots, les dernières prises, les dernières séances. Juin 1962. Grinson, en vacances, avait déjà visité la Grèce, Israël et l'Italie. Il s'apprêtait à rejoindre sa femme en Suisse. Marilyn, incapable de parler, écrivit une liste de questions et demanda à Eunice Murray, la gouvernante qu'il avait placée auprès d'elle, de les communiquer à son psychanalyste. Grinson comprit que les questions formulées comptaient moins que le non-dit. « Quand allez-vous enfin revenir ?» Mais il ne voulut pas lui parler. Marilyn, suspendue au téléphone, appelait plusieurs fois par jour ses amis proches. Lee Strasberg, Norman Rosten et sa femme, Ralph Roberts, Whitey Snyder et Pat Newcomb. Marilyn, j'y arrive pas. Tous la trouvèrent désemparée, perdue, en quête d'elle-même. J'ai besoin d'aide et... Et Grinson est parti. Je peux pas y arriver toute seule. Le lundi qui suivit son 36e anniversaire, Marilyn ne se présenta pas sur le plateau de Quelque chose doit craquer. Peter Gillivates, qui dirigeait la Fox depuis 2 ans, était en Europe pour affronter la débâcle de son film Cléopâtre. Il annonça qu'il allait régler le problème Monroe. Elle n'avait participé qu'à 12 jours de tournage sur 34. Le lendemain, l'actrice n'ayant toujours pas rejoint le plateau, Cukor, après avoir renvoyé toute l'équipe, décida que si elle ne venait pas le jour suivant, il arrêterait le film. La Fox menaçait de dénoncer son contrat. Cukor envisageait déjà son remplacement. Contacté, à la demande de Marilyn par son avocat Milton Rudin, Grinson promit qu'il reviendrait le plus vite possible. 2 jours plus tard, à peine débarqué à l'aéroport international de Los Angeles et malgré 17 heures de vol, il se rendit directement chez elle et la trouva dans un état comateux. Au moins était-elle en vie. Marilyn prit le docteur Grinson dans ses bras. Ce dernier téléphona aussitôt à Rudin pour qu'il prévienne le studio que désormais, il avait les choses en main. Mikey, c'est Ralph. Alors, elle est en état de tourner tant physiquement que psychologiquement. Je suis convaincu qu'elle pourra finir le film dans les délais prévus. Tu peux prévenir les studios. T'en es sûr? Feldman m'a appelé catastrophé. Cléopâtre leur coûte très cher. Ils craignent une faillite. Je sais, je l'ai eu aussi. Il veut nous voir demain midi. Grinson demanda à Eunice Murray de ne rien dire de l'incident, ni à Engelberg, son médecin traitant, ni à la presse. Encore moins au représentant de la Fox, auquel il annonça que pour la suite du tournage, c'était lui qui discuterait des choix artistiques concernant l'actrice. Plan à tourner, modification de scénario, tenue vestimentaire. Le lendemain, lors d'un déjeuner à la Fox, Phil Feldman, vice-président chargé des questions opérationnelles, déclara au psychanalyste que le studio perdait 9 000 $ par jour quand Marilyn ne tournait pas. 9 000 $. Feldman, tant qu'un film n'est pas fini, il coûte de l'argent. Alors pensez à ce qu'elle va vous rapporter, pas à ce qu'elle vous coûte. C'est bien l'actrice qui rapporte le plus actuellement, non ? Je peux lui faire faire ce que je veux. Elle sera là, en temps et en heure, elle finira le film. Dites-moi, si elle dépend tellement de vous, qu'est-ce qui va se passer si elle vous jette? Vous avez bien vu que Ralph l'a ramenée sur le tournage des Désaxés. C'est elle qui compte, et pas moi. C'est elle qui finira le film, pas moi. Ouais. On verra. Mais l'après-midi du 17 juin, quelques minutes avant la fermeture du tribunal d'instance, la Fox réclama 500 000 dollars de dédommagement pour rupture de contrat et annonça à la presse que l'actrice ne faisait plus partie de la distribution. Grinson, de retour de déjeuner, apprit la nouvelle par la radio de sa voiture. Il se précipita chez Marilyn et lui fit une injection de sédatif par voie intraveineuse. Un peu plus tard, dans la soirée, on annonça que Marilyn serait remplacée par Lee Remick. Le lendemain matin, Dean Martin fit savoir qu'il abandonnait le film. « J'ai le plus grand respect pour Miss Lee Remick et son talent, et pour toutes les autres actrices pressenties pour le rôle. Mais j'ai signé pour faire ce film avec Marilyn Monroe, et je ne le ferai avec personne d'autre. » Les tentatives de Leavetz pour le faire revenir sur sa décision échouèrent. Henry Weinstein, producteur du film et ami de Ralph Grinson, dira de tout cet épisode « Les acteurs traversent tous l'angoisse, le malheur, les peines de cœur. Mais chez elle, c'était autre chose, la terreur pure. » Faut pas que ce soit l'actrice qui s'angoisse, mais le personnage. Il faut que j'apprenne à me fier à mes impulsions contradictoires. Le soir, Grinson, rentré à Santa Monica, ne trouva pas le sommeil, malgré la fatigue accumulée depuis son retour. Il se releva. 2 heures plus tard, sa femme, Hildy, le trouva assis dans son fauteuil, observant, comme pour les déchiffrer, les radiographies du crâne de Marilyn. Surpris comme un enfant en faute, mais impassible comme un homme en prière, il continua l'examen des clichés. Il ne cherchait pas les lésions éventuelles, mais parcourant les blancs indécis et les noirs sans fond, il lisait, à travers les condensations irrégulières et les gradations d'opacité, les lignes secrètes de la beauté. L'ombre de la bouche s'ouvrait comme pour parler. Marilyn, un peu plus sensuelle. Voilà. Ah. Bah, voilà. Non, carrément. Oui, voilà. Voilà, ça j'aime. Chassée du tournage, Marilyn convoqua des photographes pour faire de longues séances pour Life, Vogue et Cosmopolitan. Elle essayait de contre-attaquer et elle se battait avec la seule chose qu'elle avait toujours su monnayer, son image. Parmi d'autres, elle fit paraître le 22 juin 1962, en couverture de Life, une photo d'elle nue dans sa piscine. Ceux qui la photographièrent ou la filmèrent dans les derniers jours de sa vie donnèrent d'elle 2 images opposées, une étoile scintillante et une poupée flétrie. Le photographe George Barris, lui, la décrira comme forte et libre. Elle avait le pouvoir. Je veux être vue. Elle était le vent. Sans cesse vue. Elle était la lumière, la déesse. Sous tous les angles. La lune. Par tous les yeux. L'espace et le rêve. Par tous les regards. Le mystère et le danger. Mais aussi tout le reste. Ceux des hommes et ceux des femmes. Hollywood y compris. Mais c'est pour ne pas être connu. Voilà, superbe. Le journaliste de Life, Richard Merriman, fut au contraire frappé par l'aspect terreux de son visage inerte. Sa peau n'était ni blanche ni grise. On aurait dit qu'elle ne s'était pas démaquillée depuis très très longtemps. De loin, elle était superbe. Mais dès que l'on étudiait son visage de près, on lui trouvait l'apparence du carton. Ses cheveux étaient sans éclat, mis en plis et séchés des milliers de fois. Même pas faux. Mort. Une permanente, ça s'appelle. La seule part d'elle qui ne mourrait pas, parce qu'elle était déjà morte. Voilà, c'est très très bien. Je veux être une artiste, pas une bête de sexe. Je ne veux pas être vendue comme un aphrodisiaque sur celluloïde. Regardez-moi et branlez-vous. Voilà. Vous voyez, on suggère un petit peu. Voilà. Ça pour nos lecteurs, ça va être magnifique. Tout au long des derniers mois de la vie de sa patiente, Grinson consacra tout son temps à celle qu'il appelait sa schizophrène préférée. Les gens du cinéma l'accablaient. Le scénariste Walter Bernstein racontait à qui voulait l'entendre que Grinson avait placé Marilyn dans un cocon. Elle était devenue pour lui un investissement. Et pas seulement financier. C'était pas qu'il s'occupait d'elle. Il fabriquait sa maladie. Il était devenu vital pour lui et pour d'autres qu'elle soit considérée comme malade, dépendante et désemparée. Il y avait quelque chose de sinistre chez ce psychanalyste qui exerçait une influence démente sur elle. Au fil du temps, la distance qui séparait Grinson et Marilyn n'avait pas été comblée, mais elle s'était en quelque sorte inversée. Vous avez étudié quoi avant de devenir actrice ? Je n'ai pas fini mes études secondaires. Ils avaient échangé leurs idéaux et leurs inhibitions jusqu'à ne plus savoir qui ils étaient eux-mêmes. Chacun avait pris le symptôme de l'autre. Marilyn, qui n'était au début que la copie de Marilyn, se fia de moins en moins à son image pour se rassurer elle-même et séduire les autres. Elle commença à admettre que les mots aussi pouvaient tenir chaud, constituer une enveloppe, un vêtement. Grinson, à l'inverse, qui venait d'un monde de culture et de langage, se laissa aller à une fascination croissante pour les films et pour sa propre image. Il s'enfonça de plus en plus dans les méandres du cinéma et investit l'usine à images d'Hollywood. Il évitait les patients et les colloques et passait son temps dans les couloirs de la 20th Century Fox. Marilyn, elle, parlait davantage. Et quand elle avait un interlocuteur à qui se fier, elle trouvait ses mots. Les images à présent lui faisaient peur. Pour tout le monde, il était Monsieur Gable. Mais moi, il voulait que je l'appelle Clark. Un jour, il m'a dit que nous avions quelque chose de très fort en commun. Secret. Sa mère était morte. Hear it call, Waylory. There is a river called the River of No Return. C'était Marilyn Dernière Séance, écrit et adapté par Michel Schneider. Sixième épisode. Avec Clotilde Morgiev, Marilyn Monroe, Georges Kless, Ralph Grinson, Mohamed Rouabi, le narrateur, Johanna Nizar, la narratrice, Richard Herlin, Georges Barris, Philippe Bautier, Richard Merriman, Philippe Lofredo, Walter Bernstein, Patrick Michaelis, Milton Rudin, Gérard Cherki, Phil Feldman. I can hear the river call. Bruitage, Patrick Martinache. Recherche d'archives, Julie Amint. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Sylvain D'Angoise. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset. Gone forever down the river of no return.